9h05. Wiley traverse la salle et va dans son bureau. Il dit quelque chose à la volée. Il dit qu'il a fait une grosse bêtise. Il a envoyé son article. On ne comprend pas le reste. 9h05:30, entre Barbara. Elle demande à Jean quel type de solvant il faut mettre dans les colonnes. Jean répond depuis son bureau. Barbara s'en va et retourne à la paillasse. 9h05:40, Jane entre et demande à Marvin « Quand tu prépares l'intraveineuse avec de la morphine, c'est en solution saline ou c'est juste de l'eau ?» Marvin, qui écrit à son bureau, répond sans lever la tête. Exit Jane. 9h06:15, Guillemin entre dans la salle et jette un coup d'œil dans les bureaux, s'efforçant de rassembler assez de gens pour une réunion de travail. « C'est une affaire de 4 000 $, il faut la résoudre dans les 2 prochaines minutes, au plus tard. » Il disparaît. Chaque matin, c'est comme ça. Des travailleurs entrent dans le labo. Des petits sacs en papier brun à la main avec leur déjeuner dedans. Les techniciens se mettent aussitôt à préparer les bioétalonnages. Ils dressent les tables à disséquer ou pèsent des produits chimiques. Ils récoltent des pages de données qui sortent des compteurs et des calculateurs qu'on a laissés travailler pendant la nuit. Les secrétaires s'assoient devant leur machine à écrire et commencent à recorriger des manuscrits qui sont toujours en retard. Les chercheurs arrivent un peu plus tard, l'un après l'autre, et échangent quelques brefs commentaires sur ce qu'il faut faire pendant la journée. Après quelques instants, ils se dirigent vers leur paillasse. D'autres employés déposent des livraisons d'animaux, des produits chimiques et des piles de courriers. On dirait que le travail de tous est guidé par un champ invisible, ou par un puzzle presque terminé que l'on complétera peut-être aujourd'hui même. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Bienvenue à nouveau, puisque vous étiez avec nous hier, vous nous avez présenté votre philosophie des modes d'existence. Vous serez avec nous jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, nous parlons de la science et je viens de lire le début de l'ouvrage que vous avez coécrit avec Steve Woolgar, La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques, publié aux éditions de la Découverte. C'est votre premier livre publié en France, 1979, et il commence avec cette description que j'ai lue d'une vie de laboratoire. Minute après minute, à quel moment arrive telle personne, et un quotidien, somme toute, très ordinaire. Pourquoi avoir insisté sur la dimension ordinaire de la fabrique de la science? Précisément pour répondre à votre question. La science a toujours raison, mais dans son mode, avec ses propres pratiques. Or, il y a 43 ans, ces choses étaient peu étudiées. On n'avait finalement pratiquement aucune description d'une découverte scientifique importante, qui est un des facteurs de neurotransmetteur qui a donné un prix Nobel à ce Guillemin dont vous avez mentionné le nom tout à l'heure, qui est d'origine française d'ailleurs, bourguignonne comme moi. Et les découvertes naissaient de la cuisse de Jupiter. C'était très compliqué d'en avoir une description d'observation participante directe, disons. Et comme j'avais été formé à l'ethnographie en Afrique avec d'assez bons maîtres, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on nous dit, parle toujours de la science avec un grand S et qu'on a autant, aussi peu de descriptions des découvertes scientifiques majeures de première main, en quelque sorte. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu un effet d'ethnographie, un effet littéraire, de commencer précisément par des choses tout à fait ordinaires. Mais au fur et à mesure du livre, ça se complique, parce que, évidemment, on commence à comprendre que ces scientifiques, dont le puzzle n'est pas clair à première vue, sont complètement happés par les objets qu'ils essayent de faire s'exprimer. Mmh. Et donc, c'est tout ce travail que l'on décrivait un peu avant sous le mode d'une méthode scientifique, qui d'ailleurs, on n'a jamais très bien su ce que c'était cette méthode scientifique, sinon de faire un peu attention à ce qu'on dit et de se faire vérifier auprès des collègues. Par contre, si on regarde les instruments qui sont nécessaires et le travail de mise en scène, proprement dit, des objets qui tiennent éveillés les scientifiques, là on a vraiment des spécificités très importantes. Donc l'idée c'était de commencer de façon ordinaire, disons, et puis ensuite d'avancer de chapitre en chapitre pour dire voilà, là il se passe des choses qui n'existent nulle part ailleurs, c'est-à-dire la capacité au laboratoire, qui est un milieu complètement artificiel, de faire exister des êtres, en l'occurrence invisibles avant, là c'est des petits neurotransmetteurs qui ont joué un rôle, qui jouent toujours un rôle très important. C'était le laboratoire à l'Institut Salk en Californie. L'Institut Salk en Californie, où j'avais eu l'idée dès le début de mon séjour à Abidjan, de ce que j'appelle l'anthropologie symétrique, de dire mais utilisons les mêmes méthodes pour parler des gens qu'on qualifie d'irrationnels et des gens qu'on qualifie de rationnels, avant de faire la grande coupure entre, disons, l'avancée de la raison avec un grand R. Donnez-nous une description de ce que c'est que de faire une pratique scientifique. Ne vous précipitez pas tout de suite de dire la science avec un grand S, elle est partout et elle a toujours raison. C'est ça en fait qui vous a motivé, c'est d'essayer de destituer la science avec un grand S de son trône. Un peu du debunking, c'est vrai. Donc ça a un peu irrité quelques scientifiques parce que... C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Non, parce que maintenant les scientifiques ne sont plus dans la position d'autorité où ils étaient. Mais disons, il y a 43 ans, ça les titillait. Parce qu'ils pensaient que l'épistémologie, disons la grande idée de la science en général, allait les défendre contre les critiques. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout. Donc non, mais par contre, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est une étude scientifique de la pratique scientifique. C'est quand même assez pour répondre à la question jusqu'où la science peut aller. La réponse est qu'elle peut aller partout, mais partout à condition de se donner les moyens en laboratoire, en moyens financiers, en création de collègues, en université, etc. Suivre le réseau complet, infiniment matériel et local, de pratiques scientifiques. Ça n'a quand même rien d'extravagant de dire ça. Chaque scientifique le sait dans sa pratique. Mm-hmm. Mais quand il se présente à l'extérieur pour dire « je suis scientifique », on a l'impression qu'il parle ou qu'elle parle de quelque chose qui est vrai partout, sans effort particulier. Comme dit Isabelle Stengers très bien, les scientifiques croient toujours qu'ils sont savants tout terrain. Mais c'est pas tout terrain. Isabelle Stengers, donc, est une philosophe avec laquelle vous avez oui, qui a beaucoup travaillé, et qui m'a beaucoup inspiré, et qui évidemment, elle est encore plus à l'intérieur des sciences que je l'ai été. Elle est donc encore plus critique, disons, de cette espèce de rationalisme très étrange qui fait que vous dites je suis scientifique et donc tout ce que vous allez dire va être scientifique, ça n'a aucun sens. Donc voilà, mais donc c'est ça le point de départ, c'est de remettre en question cette autorité autoproclamée par les scientifiques. Mais en même temps, comme on l'a dit hier sur les principes qui nous intéressent dans les modes d'existence, de reconnaître la véridiction absolument particulière, propre à l'objectivité scientifique. Donc si la science a toujours raison, mais dans son domaine, dans son mode, elle peut aller partout. Comment définir ce mode? Quel est le mode scientifique? Ça, c'est la vie de laboratoire, la science en action, le travail de mes amis, ce qu'on appelle les science studies, c'est 40 ans de travail. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot quand même? L'histoire des sciences, c'est un mode, si vous voulez, qui est, contrairement à ceux dont on parlait hier, qui est très particulier parce qu'il exige d'abord une transformation complète des objets, donc la création du laboratoire, c'est-à-dire des créations artificielles, et des instruments qui permettent d'avancer d'expérience en expérience pour que les objets, les cellules, les microbes, peu importe l'objet qu'on étudie, soient capables de témoigner de ce qu'on dit d'eux. C'est une chose tout à fait formidable, le travail de l'expérience scientifique. C'est une mise en scène dans laquelle vous faites subir à des microbes, des particules, des épreuves qui sont très très bien calibrées pour que vous puissiez ce que vous dites d'eux. Eux le disent directement. Quand je dis directement, c'est une façon de parler, parce que c'est très indirect. Il faut des tas de conditions artificielles, il faut construire le laboratoire, il faut l'attention aux collègues, il faut la pratique et l'expérience de cette espèce de cuisine si particulière et tellement belle qui, moi, quand je suis dans un laboratoire, j'ai les larmes aux yeux, si vous voulez, à chaque fois, parce que c'est d'une telle beauté, ça demande une telle... C'est tellement exigeant. Et à la fin, vous avez cette chose que j'ai montrée dans la vie de laboratoire, dans le travail sur Pasteur, que mes camarades ont montré dans des tas d'autres exemples, où brusquement, la chose, ce que vous dites de la chose, et ce que la chose dit d'elle-même, coïncide. La chose, c'est quoi? C'est le microbe, vous lui dites ce microbe... C'est l'objet qui est observé. Il n'est pas observé, il est transformé dans des situations artificielles, soumis à des épreuves, au point que, quand vous dites... Ce microbe a infecté tel ou tel lapin, par exemple, pour prendre un exemple. Vous appuyez sur la seringue, vous attendez quelque temps, et les lapins meurent comme des très belles expériences. Il est transformé, c'est-à-dire que selon vous, il n'y a pas d'un côté les scientifiques et de l'autre les faits de la nature, mais qu'au fond, l'appréhension des seconds est complètement modelée, informée par le travail des premiers. C'est un travail d'une médiation, d'une... absolument énorme. Mais ça, tous les scientifiques sont d'accord. C'est pas de regarder tranquillement un lapin et une seringue pour que la vérité vous saute dessus. Non, c'est un travail de mise en scène. C'est très proche de dans certains aspects pour obtenir. J'ai montré ça très bien dans Pasteur. Pasteur était un génie de la preuve. Arriver à montrer, disons, c'est des choses qui sont extrêmement frappantes. Au cours de cette émission, nous entendrons successivement M. Bruno Latour, maître de recherche à l'École des Mines, qui parlera de son livre « Les microbes ». Dites donc, chef, où on va comme ça tout. Et rien à bouffer, hein. Une cellule infectée. Comment? Cessez de pleurnicher comme ça, Froussard. Ils savent même pas ce qu'ils sont. Bon, on est des bactéries. Et les bactéries, ça infecte. Ben nous, on n'a rien à infecter. Oui, c'est une approche un peu étrange du pasteurisme. Vous savez qu'en France, Pasteur est notre grand héros, et on a raison de le considérer comme un grand héros. Et j'ai pris le point de vue des microbes, disons, dans cette affaire, plutôt que le point de vue des hommes. L'idée étant de faire une histoire sociale, si vous voulez, mais où le sens du mot social est un peu décalé. C'est-à-dire que social ne veut plus dire qu'on s'occupe des classes sociales ou des groupes, mais qu'on s'occupe aussi d'acteurs nouveaux que Pasteur introduit dans le jeu social, qui sont les microbes. Notre ami a de la chance, nous avons pu nous y prendre à temps, heureusement. Tout le monde devrait être vacciné. Voici la vie. C'était votre voix, Bruno Latour, le 25 avril 1984 sur France Culture. Vous parliez de votre livre, votre deuxième livre, donc 1984, Pasteur, guerre et paix entre les microbes. Le titre n'est pas anecdotique puisque vous comparez justement votre méthode à celle qu'énonce Tolstoï dans Guerre et paix, avec la multiplicité des acteurs qui font l'histoire. Et vous dites bien, voilà, votre but était de faire une histoire sociale de ces acteurs que sont les microbes. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on se dit que les microbes, justement, bah, il n'y a pas de société, c'est pas une histoire sociale, c'est une donnée qui ne dépend pas de composantes sociologiques comme nous autres êtres humains. Alors, oui, vous dites si. Ça, c'est évidemment, en 84, ça paraissait un peu bizarre. Mais heureusement, il y a eu, si j'ose dire, l'épisode tragique du sida. Tout le monde, et maintenant, nous avons depuis 2 ans l'épisode du Covid. Donc, tout le monde comprend parfaitement ce que ça veut dire que l'agency, l'action de transformation des relations sociales d'un virus ou d'un microbe. Il arrive, et brusquement. Ça se transforme, on doit se tenir à distance, et à l'époque de Pasteur, évidemment, les transformations subies par la société du 19e siècle à cause de l'introduction par les pasteuriens des microbes domestiqués et tenus dans les laboratoires de l'Institut Pasteur et des autres est colossale. Donc, c'était ça l'idée, mais maintenant elle est d'une évidence, mais personne ne peut douter que les microbes sont des agents importants de la définition de ce que c'est que le social. Je l'ai dit hier, rappelez-vous, que ce qui m'intéresse, c'est depuis le début un problème de théorie sociale. De quoi le collectif est fait? Il est fait de microbes. Ces microbes, comment est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent par les laboratoires, par le travail de Pasteur, par l'apprentissage de ces gestes très précis qui vont permettre l'asepsie, l'antisepsie, etc., que nous continuons encore. Tout ça, c'est des choses qui sont tellement historiquement... facile à comprendre, que je m'étonne toujours qu'on repose la question, oui, mais est-ce que ça dit quoi sur le fait que la science a raison ou pas? La science, les scientifiques, les laboratoires, les objets qu'ils ont transformés au laboratoire définissent une large partie de ce que c'est que la sociale. Oui, mais c'est pas pour autant que cette science-là, cette pratique-là, on parle des microbes, de Pasteur, des vaccins, est normative, puisqu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, qui pensent justement, que c'est un cas exact, c'est normatif, et c'est exactement ce qui se passe. On l'a vécu pendant 2 ans. Ouais. Pour arriver à avoir des connaissances objectives sur cette affaire, il faut des épidémiologues qui sont en dispute les uns avec les autres. Il faut des outils statistiques qui sont discutés. On rentre dans la situation tout à fait normale que pour valider une information, il faut discuter. Et l'expression « fait indiscutable », elle est parfaitement exacte à la fin du dispositif, mais pas au début. Les faits sont indiscutables parce qu'ils deviennent indiscutables. Or, on en discute. Bah évidemment, qu'ils puissent devenir laboratoire, c'est la première description précise. Ça commence de la part des faits discutables et ça finit sur une découverte majeure qui produit un prix Nobel indiscutable. Oui, d'accord. Pardon, le prix Nobel est discutable. Ouais. Le fait est indiscutable. Mais comment mener cette discussion? Quels sont les arguments qui sont recevables ou pas? On va prendre un exemple. Vous parlez de l'épidémie de Covid. On a beaucoup entendu de scientifiques s'exprimer. On a entendu des paroles qui ont été contestées, d'autres qui ont été adoubées. Prenons par exemple Didier Raoult. L'interprétation des effets, aussi bien du vaccin que de la maladie, dépend de l'opinion que vous en avez. Par exemple, actuellement, quand on vous dit qu'il y a tant de personnes qui sont mortes avec Omicron, en réalité, le virus circule tellement qu'il y a une quantité de gens qui sont morts de toute autre chose ou qui sont en réanimation pour toute autre raison. Mais comme on fait des prélèvements Omicron pour tout le monde, on trouve des Omicron dedans, ce qui veut dire que la relation de cause à effet, eh bien, elle ne va pas être la même selon que vous pensez qu'on est face à une pandémie qui tue tout le monde ou que vous pensez que c'est jamais que comme d'habitude un virus qui circule. Alors Bruno Latour, quelle différence entre votre position et celle de Didier Raoult qui dit l'interprétation des faits dépend de l'opinion que vous en avez? C'est du cynisme habituel de certains scientifiques, une espèce de populisme critique qui n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne me suis jamais intéressé à Raoult. Et on lui a prêté des capacités précisément parce qu'il a une blouse blanche et qu'il a une belle gueule de dire, tout ce qu'il dit va être scientifique. Mais non, c'est quoi les preuves? C'est quoi les instruments? C'est quoi... Mais il en a produit à l'époque. Oui, mais ces preuves sont discutables. Et c'est discutable par d'autres, et il doit se prêter à la discussion normale. Et vous savez combien ça n'a pas... Dogmatisme le problème. Pardon? C'est son dogmatisme le problème. Je suis bravo, ne m'intéresse pas. C'est un exemple parmi d'autres, au fond. Non, parce qu'il faut prendre des exemples qui sont dignes. C'est-à-dire des exemples de vraies découvertes scientifiques. La découverte des Redesigning Factors, la découverte de l'ADN, c'est des vraies découvertes. Et donc... tous les petits détails de bataille entre scientifiques, ces espèces de ragots disparaissent, parce que ce qui compte, c'est l'objet qui est découvert. Tout mon travail, c'est de faire porter l'attention sur les objets de la découverte, et pas sur l'agitation des scientifiques qui sont, sur tous les sujets possibles, exactement pareil que n'importe qui, c'est-à-dire que dès qu'ils s'éloignent du laboratoire, ils disent des bêtises. Le sol solide sur lequel ils commencent à dire des choses intéressantes, c'est quand ils sont soumis à la pression des objets du laboratoire qui sont en train, disons, de manipuler. Là, ils disent des choses intéressantes. Donc il ne faut pas demander leur avis aux scientifiques? Non, la plupart du temps, ils disent des bêtises. Sur la science aussi, d'ailleurs. Mais quand on est en pleine épidémie, on a envie d'avoir l'avis des personnes qui travaillent sur l'épidémie. L'épidémie est une situation de confusion, et nous l'avons tous vécu, tout à fait d'ailleurs normal, parce que c'est un phénomène nouveau, et ce phénomène nouveau entraîne des réactions dans tous les domaines, et là, on est dans un imbroglio sciences et politiques sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. J'ai travaillé sur ces questions quand j'étais à l'école des mines avec Calon, sur les controverses scientifiques. C'est une situation tout à fait normale. Mais là, on parle dans l'enquête sur les modes d'existence. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de détecter le mode particulier dont on peut dire, voilà, l'objectivité scientifique, elle est complètement unique. Il faut la respecter absolument. Elle a son mode à elle qui obtient des vérités, mais elle ne peut pas mordre sur les autres modes d'existence dont on parlait hier et dont on parlera demain, qui ont des modes de véridiction qui n'ont rigoureusement rien à voir. Donc, aimez vos sciences, aimez l'objectivité scientifique, mais par pitié, n'en faites pas une hégémonie qui aurait la capacité de transformer tous les autres modes, le politique, le juridique, l'économique, le religieux, etc., en irrationnel. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ça. La science n'a pas l'apanage de la raison, n'a pas le monopole de la raison. Elle a l'apanage de sa raison propre. C'est quand même pas compliqué à comprendre qu'il y a des modes de véridiction différents. Le pluralisme n'exige pas que les sciences se disent, du moment que j'ai raison dans mon laboratoire, pour faire qu'un microbe dise exactement ou témoigne exactement de ce que je dis de lui, et c'est vérifié par les pairs qui sont là autour de moi, de transformer cette extraordinaire et bouleversante découverte en une espèce de clé anglaise universelle qui va dire, donc je peux parler de politique, donc je peux parler de droit, mais pourquoi je ne parlerai pas de religion? Mais alors, plusieurs choses quand même. La science ne se fait pas seulement en laboratoire, vous parlez d'un certain type de science. La science mathématique, il n'y a pas des éprouvettes, etc. Il y a des objets, absolument, des objets mathématiques qui sont d'une dureté, qui ont été étudiés par beaucoup de mes collègues. Les équations, les inventions mathématiques. Alors, là, il y a toute une littérature de philosophie et de sociologie et d'histoire sociale des mathématiques depuis les Grecs. Au contraire, les objets mathématiques, chaque mathématicien va parler avec passion de la solidité, de la dureté, de la difficulté de faire exister ces êtres mathématiques. Et après tout, Platon a un peu raison, les êtres mathématiques, ils sont bien là, ils s'imposent à vous. Seulement, il faut les travailler. Il faut aussi construire toute la machinerie qui permet, on se bat en ce moment en disant, mais les Français ont bientôt, il n'y a plus d'école, on va plus avoir de mathématiciens. Voilà un bel exemple que pour parler des mathématiques, il faut aussi s'intéresser à l'école, à ce qui est enseigné au lycée, à la fin de la première. Donc, C'est tellement sain d'essayer de parler et de parler, disons, sérieusement de la dignité des sciences objectives, de l'objectivité propre aux sciences, sans qu'elles débordent de leur capacité propre. Alors oui, mais alors là je m'adresse aux sociologues, à l'anthropologue, c'est que ça correspond à un besoin. Si on en est là, si justement nous avons besoin de faire parler les scientifiques en période de crise, mais pas seulement, si nous investissons la raison scientifique d'une certaine aura qui est peut-être illégitime, c'est qu'il y a une demande pour ça, il y a une raison à ça. Bah, la raison, elle est celle qui définit l'Occident, c'est-à-dire que une fois qu'on a donné, on a quitté en quelque sorte la pratique scientifique et qu'on a fait de la science un espèce d'objet capable de parler de tout, on va en tirer la notion de nature, non pas les vieilles et anciennes et vénérables notions de nature des Grecs, des Romains, des médiévaux, des religieux, etc., mais la notion de nature telle qu'elle elle arrive au XVIIe siècle, c'est-à-dire la res extensa, disons, de Descartes, et qui est une espèce de confusion entre la capacité qu'ont les sciences de connaître quelque chose et la façon dont les choses connues se déplacent dans l'existence. C'est là où c'est pour ça que l'enquête sur les modes d'existence, il faut 4 ou 5 chapitres pour se tirer de cette affaire, parce que c'est elle qui organise toute l'histoire de l'Occident. Elle, donc la science? Oui, la science avec un grand S, pas du tout la pratique scientifique. C'est quoi la science avec un grand S? Ben, c'est l'idée que maintenant que nous avons une petite machine qui commence au XVIIe siècle, se développe beaucoup au XVIIIe, au XIXe, au XXe, pour produire des faits objectifs, eh bien, nous allons pouvoir commencer à construire l'idée d'une nature qui, en quelque sorte, a les mêmes capacités, les mêmes qualités que la science, la pratique scientifique, mais view from nowhere, vue de nulle part. Et c'est-à-dire qu'on va construire cette idée que du moment que je connais quelque chose, par la science, par l'activité scientifique, eh bien la chose connue a les mêmes caractéristiques. Mais la chose connue, elle est connue. Ça veut dire que le regard scientifique n'épuise pas la chose elle-même. Ben, la chose, elle a plein d'autres façons de se déplacer dans l'existence. Et comme le montre très bien Whitehead, on arrive à cette solution absolument inouïe à partir du XVIIe siècle, que d'un côté, on va avoir une définition des êtres de la nature, mais qui n'ont aucun sens particulier, qui sont inaccessibles par le commun. Mmh. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir tout ce qui est la subjectivité, les émotions, les impressions, etc., mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité, ce qu'il appelle la bifurcation de la nature. Mmh. Dans lequel on est toujours au fond. Sauf que avec ça, vous allez avoir un peu de peine à aborder la question écologique. Parce que si vous commencez à dire, mais il y a d'un côté des objets, ces objets sont connus par les sciences, mais ces sciences, on ne sait pas encore très bien quelles elles sont. En tout cas, on les décrit jamais, c'est la view from nowhere. Et elles n'ont aucun sens. Et puis d'un autre côté, vous dites, mais tout ce qui est moral, subjectif, artistique, religieux, etc., c'est très important pour moi. Ah oui, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité de ce que le monde fait. Vous imaginez l'extraordinaire schizophrénie dans laquelle rentrent les modernes à partir du XVIIe siècle. Ils ont d'un côté, je ne me rappelle plus la phrase exacte de Whitehead dans Concept of Nature, mais elle est d'une cruauté absolue, dans laquelle on a d'un côté des choses qui sont très importantes, mais qui n'ont pas de sens, pas de réalité, de l'autre côté des choses qui sont vraies, réelles et très importantes, mais qui ne sont pas senties. Pardon, je m'embrouille. Alors, non, c'est-à-dire que la science est une manière de regarder le monde, le construire d'ailleurs aussi, qui n'est pas supérieur à d'autres modes de construction du monde, d'instauration du monde. Il est supérieur dans son mode, c'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à des choses qui sont éloignées, lointaines, compliquées, difficiles, etc., si vous n'avez pas les sciences, elles disparaissent, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc les sciences, le mode que j'appelle référentiel, c'est-à-dire la capacité de rapporter des informations du lointain, c'est le mode qu'il faut chérir absolument si vous vous intéressez à l'anthropologie des modernes. Mais ne le mélangez pas avec l'hégémonie qu'on lui a donnée à partir du XVIIe siècle, qui est à l'origine de la notion de nature, qui est à l'origine de la distinction entre des sujets conscients d'eux-mêmes, moraux, etc., mais sans rapport avec la réalité, la subjectivité, disons, et de l'autre côté, des objets. Et la catastrophe dans laquelle on est rentré ensuite, parce qu'il a fallu que toute la philosophie se dise, mais comment j'arrive à être à la fois un sujet, un objet, comment je vais résoudre le mind-body problème, et toute problème cette espèce de folie et d'interprétation que dans laquelle, depuis Hume, etc., Hegel, enfin, dont on n'est pas sorti, jusque jusqu'à ce qu'arrive la grande tradition philosophique des pragmatistes. Et à ce moment-là, les choses deviennent sérieuses. Eh bien, voici un texte de William James. Prenons cet objet là-bas sur le mur. Pour vous et pour moi, c'est une horloge. Et pourtant, aucun de nous n'a vu le mécanisme caché qui fait que c'est bien une horloge. Nous acceptons cette idée comme vraie, sans rien faire pour la vérifier. Que le témoignage des circonstances soit suffisant, et nous marchons sans avoir besoin du témoignage de nos yeux. Quoique n'ayant jamais vu le Japon, nous admettons tous qu'il existe, parce que cela nous réussit d'y croire. Tout ce que nous savons se mettant d'accord avec cette croyance, sans que rien se jette à la traverse. De même, nous admettons que l'objet en question est une horloge. Dire que notre croyance est vérifiée, c'est dire ici qu'elle ne nous conduit à aucune déception, à rien qui nous donne un démenti. En fait, la vérité vit à crédit, la plupart du temps. Nos pensées et nos croyances passent comme monnaie ayant cours, tant que rien ne les fait refuser, exactement comme les billets de banque, tant que personne ne les refuse. Mais tout ceci sous-entend des vérifications, expressément faites quelque part, des confrontations directes avec les faits, sans quoi tout notre édifice de vérité s'écroule, comme s'écroulerait un système financier à la base duquel manquerait toute réserve métallique. Vous acceptez ma vérification pour une chose, et moi j'accepte pour une autre votre vérification. Il se fait, entre nous, un trafic de vérité. Les chemins de la philosophie avec Bruno Latour. France Culture, Adèle Vendrette. Quel texte, Bruno Latour, hein, Les textes de James sont toujours incroyables. De William James, lu par François Raison, vous avez retenu quelques formules. La vérité vit à crédit, ou encore il parle de trafic de vérité. Un mot peut-être, l'ouvrage s'appelle le pragmatisme, et c'est vraiment cette famille philosophique à laquelle soit vous appartenez, soit vous inscrivez en héritage. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le pragmatisme, Bruno Latour? Disons, c'est de dire, essayons de décrire les choses par l'expérience. La grande phrase de James, c'est toute l'expérience, mais pas moins que l'expérience. Mm-hmm. Et là, c'est un cas typique, c'est-à-dire que ce que nous avons fait, nous, le mode d'existence de la référence que nous avons décrit en sociologue et en historien des sciences, c'est d'essayer de décrire l'expérience que les scientifiques ont quand ils travaillent pour de vrai. Pas quand ils sont en train de faire une conférence de presse, pas quand ils sont en train d'être soumis à la corruption des entreprises pharmaceutiques, etc., etc. Donc, dans leur vérité propre, ce que James magnifiquement appelle une théorie déambulatoire de la vérité, c'est exactement ce que j'ai montré dans d'innombrables textes, et que c'est discutable au début, c'est indiscutable à la fin. Mais si vous respectez pas ce chemin qui va de du discutable à l'indiscutable, vous dites des sciences, des choses qui n'ont rigoureusement aucun sens. C'est-à-dire, vous prenez des résultats qui sont détachés de leurs conditions de production. Ce qui est, en général, du point de vue scientifique, du point de vue moral et du point de vue, disons, de simple justice, une erreur. Mm-hmm. Mais c'est là où c'est tout à fait intéressant de suivre l'affaire de James, c'est que ça permet aussi de comprendre ce que je disais sur les prépositions hier. C'est-à-dire que James dit dans un autre texte que ce sont, quand on respecte l'expérience, il faut respecter l'expérience des prépositions. C'est-à-dire que les relations aussi sont expérimentées. C'est ça qu'il veut dire quand il dit on fait un trafic de vérification. Je vous vérifie ça et vous me vérifiez ça et on va voir si ça tient. Tout est pris dans une relation, c'est ça? Par définition, si vous faites échapper la vérification scientifique de l'ensemble des relations qui la rendent possible, vous mentez. C'est-à-dire vous dites des choses qui n'ont aucune espèce de solidité. Dès que vous voulez vérifier une information scientifique, vous vous rapprochez de la production des faits scientifiques, c'est-à-dire vous venez probablement près d'une institution scientifique, plus près d'un laboratoire, vous commencez à intéresser un chercheur, ce chercheur va vous dire « Oui, mais les autres chercheurs, ils sont pas aussi bons que moi », c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Et donc, vous allez être obligé maintenant de continuer la controverse, c'est ce que je montre dans la science en action de page après page, et vous allez déambuler, comme le dit très justement, et cette déambulation, c'est elle qui assure la solidité de la vérification de la vérité scientifique. Elle vous permet effectivement d'aller partout. Mmh. Une fois que tout est en place, vous pouvez étudier le sang de la Terre, aller remuer les antennes de l'admirable James Webb télescope qui a été envolé, qui est la grande chose de l'année. Pour moi, c'est vraiment le grand événement de l'année. Quel est-il ? Le James Webb télescope, c'est là, qui a été envoyé. C'est absolument formidable. Il est à des milliers de kilomètres, et il s'est déployé parfaitement, etc. La capacité des sciences à obtenir cet accès référentiel est prodigieux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la quantité de travail qu'il faut faire pour obtenir ce chemin, cette déambulation. Mais à côté de cette déambulation, les autres modes dont nous voulons parler, ils déambulent aussi. Mais à leur façon, c'est comme un macramé, si vous voulez. Quand vous avez un macramé, vous avez un fil, bon, il y a un fil scientifique qui va partout, effectivement, avec son propre mode. Mais à côté, vous avez le mode juridique, vous avez le mode des passions. Alors voilà, en fait, déjà, c'est avec vos doigts. C'est la question que je me suis posée hier et que je ne vous ai pas posée, donc je vous la pose aujourd'hui. Quand vous décrivez les différents modes d'existence, comment est-ce que vous les visualisez? Est-ce qu'ils s'entremêlent? Est-ce qu'ils s'entrecoupent? Oui, essayez de prendre une image visuelle. Le premier problème, c'est qu'il faut résister à l'hégémonie des modes. Oui, donc il n'y en a pas bouffé les autres. Ça, c'est d'accord. On a connu ça avec le religieux qui s'est dit, moi, du moment que je suis capable de définir ce que c'est que Dieu, etc., ben, je vais faire aussi la morale, je vais faire aussi la cosmologie, la science, etc. Et à partir du XVIIe siècle, on a retrouvé une autre forme d'hégémonie qui est celle dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la science avec un grand S vue de nulle part, qui est sans rapport aucun avec la pratique scientifique. Mmh. Et à partir de cette hégémonie, donc si on veut résister à cette hégémonie, il faut dire non, voilà. Votre petit mouvement, votre petit réseau de macramé, il va effectivement partout. Il est magnifique. Mais on en parlait hier, la fiction, elle est aussi magnifique dans son genre de vérification. Donc c'est quoi l'image? C'est que le fil de la science est entremêlé au fil de la fiction, par exemple, et à celui de la religion? Il y en a un qui est jaune, un autre qui est bleu, un autre qui est rouge, je ne sais pas comment vous voulez le figurer. Ils sont entremêlés. Ils sont entremêlés, parfois ils sont en résonance les uns avec les autres. C'est évident que La beauté de la référence va vous donner des tas d'idées dans des autres modes de vouloir avoir accès aussi sans transformation cette fois-ci. Ça va être l'espèce de diable que j'ai introduit dans l'affaire que j'appelle double clic. C'est-à-dire c'est une imitation de la science, mais sans transformation. Alors sans le double clic, c'est le bruit de la souris, j'en ai une là. Où je fais tac-tac et puis vous avez accès. On croit qu'on a accès. Parce c'est l'immédiateté. Pardon? C'est l'immédiateté. Oui, double clic, en fait, c'est pas du tout immédiat, parce qu'il y a un nombre hallucinant de machinerie, d'industrie, de problèmes juridiques, de problèmes de standards derrière le double clic. Mais il y a cette illusion qu'au fond, ça serait génial si toutes les formes tous les modes de vérité pouvaient se définir par l'accès sans transformation. Le double clic. Double clic. Et si on prend ce modèle-là, c'est ça qui m'intéresse toujours. Si vous prenez le modèle double clic, et si vous l'attribuez à la science, vous comprenez rien à la pratique scientifique. Parce que la pratique scientifique, c'est une série de transformations qui ont pour but tout à fait particulier que les objets que vous avez transformés finissent par dire la même chose que ce que vous vous dites d'eux. Mmh. C'est-à-dire qu'ils portent témoignage réciproquement. Mais si vous dites, non, pas du tout, il faut une information pleine et entière. C'est ce qu'on a entendu avec... dans la dispute que vous citiez tout à l'heure. Mais donnez-nous des informations indiscutables. Je ne peux pas vous donner des informations indiscutables si on ne les discute pas, c'est impossible. Alors à ce moment-là, ça veut dire que tous les scientifiques mentent, disent les adeptes de double clic. Et les scientifiques mentent, puisqu'ils transforment leurs données. Mais tous les modes transforment leurs données. Il n'y a pas d'accès immédiat à quoi que ce soit, puisqu'il faut payer la continuation de son existence par le passage dans d'autres êtres. C'est le principe même de dire, mais c'est pas la subsistance dont nous parlions hier, c'est ça. Elle a besoin constamment de passer et de retrouver le mouvement qui permet de maintenir, parce qu'il ne dure pas, sa durée, disons, pour parler comme personne. Donc, ce qui va être terrible, c'est si vous lâchez double clic dans les modes d'existence. Parce que là, les scientifiques mentent, les politiques, alors j'en parle pas, on en parlera. On en parlera jeudi. On en parlera jeudi. Ouais. Les religieux, alors ça c'est évident, c'est des trucs dans la tête. Les féticheurs, c'est des machins. Tout est mensonge. Et c'est la situation politique, cette fois-ci, dans laquelle on se trouve en ce moment, avec les fake news, etc. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une désinformation sans transformation. Et c'est le terreau du complotisme. C'est le terreau du complotisme. C'est le terreau, disons, c'est le sens commun actuel. C'est l'idéal. Double clic est en train de gagner, disons. Et donc, contre double-clic, il faut dire non. Vous ne pouvez pas avoir d'information si vous n'avez pas de transformation. Seulement, elle change selon les modes. Oui, et tout le monde n'est pas apte à proposer cette transformation. C'est pas une question de tout le monde. Dans les scientifiques, ils ont pas, il y a pas tout le monde dans les scientifiques. Il y a des gens qui ont fait des études et qui sont, rentrent à l'intérieur. Et le problème, chacun est spécialiste dans son domaine. Oui, bien sûr. C'est dur d'être un scientifique. C'est comme le droit. C'est pas du tout des modes d'existence qui sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez les respecter, vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe, mais arriver à valider les informations pendant que j'étais dans mon laboratoire, où j'ai vu la naissance, en quelque sorte, la création, la construction, la vérification de l'endorphine. L'endorphine est maintenant partout. Mon coach de Qigong parle de l'endorphine comme si l'endorphine était partout. Mais moi, je l'ai vu naître au laboratoire de l'Institut Guillemin, de l'Institut Salk, dans le laboratoire de Guillemin. Eh bien, cette endorphine-là, ce moment où elle était discutable, ô combien, et elle devient indiscutable, c'est quand même le grand moment intéressant de l'histoire des sciences. Et il faut pas le rater. Parce que si vous dites, oui, mais l'endorphine, elle a toujours été partout, toujours, ben, vous ratez, évidemment, tout ce qui a été intéressant dans le travail des sciences. Donc, ramenons les sciences à l'intérieur de leur réseau propre, donnons-leur les moyens de fabriquer leurs objets scientifiques, et c'est le seul moyen, à mon avis, de défendre l'autorité scientifique, c'est de montrer les moyens nécessaires pour arriver à obtenir, et laissons les autres modes, les autres fils du macramé se déployer dans leur mode à eux. Oui, mais alors quand même, une objection, et c'est aussi une question, il est des situations où nous gagnons à entendre davantage les scientifiques et le travail scientifique, notamment dans la question de l'écologie, on en parlera abondamment jeudi, mais un mot quand même là-dessus. Pourquoi est-ce que si la science a raison dans son mode d'existence, eh bien parfois le fait d'avoir raison ne suffit pas à convaincre ceux qui ne sont pas scientifiques, qui auraient tout intérêt à écouter ceux qui sont spécialistes de la question. Je vous propose un extrait du film Don't Look Up, hein, le grand déni cosmique, le film d'Adam McKay en 2021, où la parole de la scientifique est mise à mal. Madame la Présidente, il y a environ 36 heures, notre doctorante ici présente, Kate Dibiaski, a découvert une très grosse comète. Ah. Oui. Bravo. Et en utilisant la méthode de détermination orbitale de Gauss ainsi qu'un paramètre d'incertitude astrométrique d'environ 0,04 secondes d'arc. Oh, c'est quoi ce charabia? Allez, vas-y, accouche. Ce que le docteur Mindy essaie de vous dire, c'est qu'il y a une comète qui fonce droit sur la Terre. Quels sont les risques que ça arrive? Il y a 100% de risque d'impact. S'il vous plaît, ne dites pas 100%. Disons que c'est un événement hypothétiquement significatif. Ouais. Oui. On est sur du 99,78% pour être exact. Oh, génial. Ok, donc c'est pas 100%. En général, les scientifiques n'aiment pas dire 100%. Disons 70%, avançons et n'en parlons plus. Mais on est loin du compte avec 70%. Vous ne pouvez pas aller dire aux gens qu'il y a 100% de chances qu'ils meurent. Enfin, voyons, ce serait dingue. Bien. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Combien de meetings annonçant la fin du monde ont s'effarci ces dernières années? Effondrement économique, sûreté nucléaire, gaz d'échappement qui détruisent l'atmosphère, robots qui se rebellent. Sécheresse, famine, épidémie, invasion extraterrestre, surpopulation. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il y a 100% de chances qu'ils meurent. Ici, chacun joue son rôle, Bruno Latour. Les scientifiques d'un côté qui alertent sur l'arrivée d'une comète probable à 99,97%, je crois. De l'autre, la femme politique, je pars Meryl Streep, qui dit mais non, mais on peut pas le dire comme ça, donc on va pas dire 100%, on va dire 99%. C'est chacun est dans son mode d'existence. Le résultat dans le film, c'est que la planète va finir par exploser. Oui, mais tout est ridicule dans cette affaire. Mais ah, c'est une parodie. Hein. C'est un film d'Hollywood parodie qui a son efficacité. Je l'ai tout retenu. À fait. J'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est aussi inexact du point de vue des scientifiques que du point de vue des politiques que du point de vue d'ailleurs des médias. La représentation qui en est donnée est caricaturale des trois. Il ne faut pas oublier des scientifiques. Cette idée qu'un fait scientifique émerge comme ça au bout de 45 minutes, assuré par une doctorante sans aucun collègue d'ailleurs, sauf son directeur de thèse, c'est tellement caricatural que ça ne permet pas de penser. Ah, quand même, on se dit, bah, si on retient quelque chose du film, c'est de se dire, mais sommes-nous capables? Pourquoi n'entendons-nous pas ce que l'on nous présente comme étant scientifiquement prouvé, certain? Oui, mais on a parfaitement raison de ne pas entendre des choses qui sont posées de cette... Oui, mais là, c'est dans le film, on le transpose à la réalité, et on, dit, mais c'est... pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte l'alerte des scientifiques quant au réchauffement climatique? Ah, mais ça, c'est tout à fait une autre raison dont on discutera, mais qui n'a pas de rapport... avec le respect qu'il faut avoir pour le mode propre de la vérification scientifique, qui n'est pas du tout respecté dans cet épisode, puisqu'il est invraisemblable que la position même de la question scientifique et du fait scientifique indiscutable qui arrive dans ce film, qui a par ailleurs beaucoup de qualités, n'a pas de vraisemblance. Donc je ne veux pas en discuter, parce que ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse là, c'est d'essayer de démêler la multiplicité des modes. Mmh. Parce qu'ensuite, il va falloir s'intéresser au mode politique. Parce que la façon dont la présidente des États-Unis est peinte, c'est aussi l'espèce de... Et le cas des médias aussi, c'est-à-dire l'évidence pour le lecteur, comme pour celui qui fait le film, du fait que c'est de toute façon, il s'agit de mensonges. Ouais. Donc c'est une généralisation, c'est tout à fait typique de l'époque, hein, la généralisation du cynisme sur le fait que, en gros, tout le monde ment. Ma position, ma philosophie, le but de l'ensemble... de l'enquête sur les modes d'existence, c'est de retrouver pour chaque mode sa dignité propre. C'est-à-dire que non, le journalisme, non, le politique, non, la fiction, non, la religion, non, le droit, ils ont leur mode de vérification, de vérité qui est exigeant. Mmh. On parlait hier avec le beau texte de Souriau de l'artiste qui n'arrive pas à dormir parce qu'il risque de rater son œuvre. Mais moi, je connais beaucoup de mes amis scientifiques, dont un cher ami pasteurien, qui ne dort pas la nuit parce qu'il a laissé son expérience en partant du laboratoire en route. Il l'a mise en route et il est dans cette espèce d'angoisse que tout bon scientifique, pas simplement d'ailleurs dans les sciences naturelles, qui est de se dire, mais est-ce que les objets que j'ai commencé à scénariser, à mettre en scène, à faire travailler, etc., vont répondre à la question que je leur pose? Si on ne comprend pas l'exigence de vérité complètement particulière et l'exigence, existentielle de ce mode, on ne respecte pas le mode de la vérité scientifique. Et ça n'a rien à voir avec le fait de l'étendre partout. Mmh. Le problème que vous signalez, il est tout à fait différent. C'est que les écologistes eux-mêmes, en général, ont de la science une idée complètement traditionnelle. C'est-à-dire, du moment que c'est vrai, ça va suffire à transformer les choses. C'est l'exemple qu'il y a. Je viens tranquillement chez la présidente et je dis, etc. Mais madame, il faut étudier un peu comment les scientifiques travaillent les politiques. Moi, j'ai étudié pendant des années Pasteur. Il les travaillait. Mais de jour en jour, il avait son propre chambellan, son propre élève, il était aussi député. Et donc, il travaillait au corps des heures et des années, des jours durant, les politiques, pour être sûr que quand une découverte est faite sur une nouvelle maladie, ça va passer dans le public. Et par l'intermédiaire des politiques. Pasteur ne serait jamais dit, bah écoutez les gars, j'ai mon fait là scientifique, regardez, j'ai mon microbe de la rage, maintenant c'est fini, si vous y croyez pas, vous êtes des salauds et des cons. Pas du tout. Il est le premier à dire, d'ailleurs, dès qu'on doutait un peu de lui, il prenait le train et il allait refaire les expériences. Il y a un malheureux, à côté de chez moi, en Bourgogne, à Pernan-Vergelès, un malheureux vigneron qui avait douté de sa théorie du vinaigre. Le lendemain, Pasteur arrivait avec ses instruments, un bout de son laboratoire. Et ses élèves, ils refaisaient l'expérience, et il a dit au vigneron, je ne quitterai pas votre cave avant que vous n'ayez témoigné que j'ai raison et que vous avez tort. Alors voilà, ça c'est le travail des scientifiques essayant de rentrer en relation avec le public et avec les politiques. Mais cette caricature qu'une fois qu'on a un fait établi, tout le monde va y croire, c'est idiot. Donc ça fait partie du travail du scientifique d'œuvrer pour la compréhension de son propre travail auprès des politiques, Mais le problème, c'est qu'ils sont précisément paralysés par cette épistémologie absurde que quand on est scientifique, on peut aller partout et dire tout ce qu'on dit, ça va être scientifique, que du coup, ils n'ont jamais présenté. Et qui a présenté toutes ces choses? Qui a décrit l'activité scientifique? Mais c'est nous! Depuis 40 ans, mais nous les sociologues et les historiens des sciences, nous avons fait ce travail. Mais on peut pas vous faire le reproche inverse? Là, c'est vous qui vous positionnez en situation hégémonique. Oui, c'est pas mal fait. Envoyé, effectivement. on est un peu dans un jeu d'échecs. Bon, d'accord, ok. J'ai perdu mon cheval. Mais ce qui est très... Oui, d'accord, ok. Mais c'est pour dire... Non, c'est simplement pour dire... S'il y avait des alliés avec lesquels les scientifiques auraient dû se mettre, c'est vous. Avec nous. Et j'imagine que votre travail n'a pas été bien accueilli. Parce que ils l'ont vécu comme une mise en question des rationalistes racistes, disons, qui ça va leur plaire. qui ont dit mais c'est une attaque de la science. Pas du tout. Ouais. On vous a fait ce reproche là, c'est vrai. Un travail de respect de l'activité scientifique et de la pratique scientifique, mais qui est absolument sans exemple. La vie de laboratoire, il n'y a pas beaucoup de livres qui respectent le travail et l'originalité du travail scientifique. Je ne parle pas de la science en action, je ne parle pas du livre sur guerre et paix des microbes, mais je ne parle pas des innombrables travaux de mes collègues. Alors, est-ce que ce que vous dites à propos de la science avec un grand S s'applique à d'autres domaines? Est-ce que c'est pareil pour la sociologie? Est-ce que c'est pareil pour la philosophie? Est-ce que c'est pareil Tous les modes ont tendance un peu à vouloir l'hégémonie, ça c'est vrai. Mais dans notre histoire à nous, l'histoire, disons, des Européens riches depuis le XVIIe siècle, il faut quand même reconnaître que c'est quand même l'hégémonie scientifique qui a paralysé les autres, parce que les autres ont dû se présenter devant les sciences, en quelque sorte, en situation d'humiliation. Alors, c'est évidemment le cas qui m'a beaucoup intéressé de la religion, parce que les religions ont été obligées de dire, bah oui, alors ça c'est vrai, si tout ce qu'on dit c'est des choses irrationnelles, on va inventer une espèce de surnaturel dans lequel nous on parle du surnaturel et vous parlez du naturel. Et là, on va rentrer dans des espèces d'imbroglio théologique qui sont, à mon avis, très largement responsables de la disparition du religieux, parce qu'ils se sont engagés dans des trucs impossibles. Enfin, un peu récemment, ça a un peu changé avec les interventions du pape François, mais enfin, en gros, depuis le XVIIe siècle, la théologie reste une théologie défensive, si vous voulez. Mm-hmm. Parce que, justement, d'abord, ils ne connaissent absolument rien à la sociologie des sciences et à l'histoire des sciences, mais en plus, ils continuent à penser qu'il faut se défendre de l'hégémonie scientifique. Au lieu de dire, l'hégémonie scientifique, c'est une vue de l'esprit, essayons de définir notre propre mode à nous. Mais alors justement, là, quand vous définissez le mode de véridiction propre à chaque mode d'existence, dans quelle mesure, je vous ai un peu posé la question hier, mais je vous la repose aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que vous ne frôlez pas de très près une sorte de relativisme? Parce que s'il y a une vérité propre à chaque mode d'existence, il n'y a pas une vérité dans laquelle tous se retrouveraient. Et donc, on a envie de dire, ah oui, mais ça c'est vrai scientifiquement, ça c'est vrai d'un point de vue religieux, donc tout peut se dire dans son mode. Oui, mais... Mais la vérité religieuse parfois contredit la vérité scientifique et inversement. Non, parce qu'elles n'ont rigoureusement aucun rapport dans le mode de preuve. Parce que si je prends un peu religieux, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais si on prend la discussion que nous avions hier sur le mode, disons, amoureux, ils sont aussi éloignés que possible. C'est pas que le fait que, quand je vous dis « est-ce que tu m'aimes ?» et que j'arrive à retrouver le bon ton par lequel je répète avec une information zéro, parce que je dis toujours les mêmes banalités, mais j'ai rejoué la mise en présence, qui est au fond une assez bonne définition du mode religieux aussi. C'est pas que c'est une vérité qui serait en quelque sorte en conflit ou en superposition avec la vérité scientifique, c'est que ça n'a rigoureusement aucun rapport. Oui, mais c'est pour ça que je prenais l'exemple de la religion, c'est que l'origine de la vie dont on peine à expliquer l'émergence n'a pas la même cause selon le texte biblique et selon les recherches scientifiques. Oui, mais l'idée qu'on va chercher dans le texte biblique une preuve quelconque de l'existence, de l'origine de la vie, ça ce sont des bêtises qui se sont accumulées depuis le XVIIe siècle par des formes de théologie qui essayaient justement de résister à l'hégémonie scientifique. Alors les gens se sont dit, mais alors moi dans la Bible aussi j'ai une vue de la vie. Mais c'est complètement d'idiot. La Bible n'a aucune espèce d'argument quelconque sur l'origine de la vie. Elle dit quelque chose de tout à fait différent. C'est qu'on est converti. Si vous écoutez ce que je dis, ça va vous convertir. Donc c'est aussi absurde de demander à la Bible une histoire de la vie, que dans la petite anecdote que vous aviez citée hier, quand on vous dit « est-ce que tu m'aimes ?», tu dis « je l'ai dit avant ». Mais non, c'est choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Respectons la capacité des modes d'avoir rédictions qui sont différentes. Mais pour ça, Bruno Latour, il faut les connaître, ces modes d'existence. Il faut avoir été éduqué dans chacun de ces modes d'existence. Oui, elles peuvent disparaître. Et on est toujours... Oui, mais déjà, ça demande énormément de travail, de médiation, d'apprentissage, d'observation. Peut-être une vie humaine ne suffit pas à se rendre familier de tous ces modes d'existence. Et ensuite, si jamais on trouvait un professeur capable de nous enseigner le mode de véridiction propre à chaque mode d'existence, celui-ci serait toujours tributaire d'un mode d'existence. Donc au fond, on n'atteindrait jamais, jamais un accès direct à tous ces modes d'existence. Alors, c'est vrai que c'est dur de vivre dans une civilisation qui n'arrive pas, qui n'est pas construite autour de cette multiplicité, de ce pluralisme. Ça, c'est vrai. C'est le projet. Le projet, c'est d'avoir une civilisation dans laquelle les modes sont tous, disons, audibles. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont plus importants que d'autres à certains moments, mais où ils sont tous audibles, disons. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais en même temps, on a une sensibilité incroyablement rapide. On est super bon sur tout un tas d'exemples où on sent qu'on est en train de vous mentir. Simplement, ça s'éduque. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais voilà, la relation amoureuse aussi, ça s'éduque. Mais qui éduque? Qui éduque au pluralisme du monde? Moi. Bon, ça fait un. Oui, ça fait un, mais non, je blague, évidemment. Mais on n'a pas tellement le choix, parce que, surtout quand on aborde la question écologique, on s'aperçoit combien les hypothèses, disons, cette hégémonie de la raison, qui est justement scénarisée dans le film d'Hollywood dont on parlait, ouais, c'est-à-dire du moment qu'on a le fait scientifique, ça va passer par double clic, sans transformation, vers le président, et si ça se passe pas comme ça, eh ben, ça veut dire que le président est malhonnête. Donc, c'est comme ça que nous concevons, nous en sommes venus à concevoir le déplacement des faits scientifiques de la façon la plus aberrante, de la plus irrationnelle, de la plus irréaliste qui soit. Donc, un dernier mot, Bruno Latour, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Ça, c'est dommage, parce qu'on a plein de choses à dire. Mais on se retrouve demain. Oui, c'est rappelez-vous. Vrai. Donc, on pourra revenir sur certains points qu'on n'a pas énoncés aujourd'hui. Je vous posais la question du relativisme, parce que ça revient beaucoup. En fait, il faut substituer à l'objection du relativisme la revendication, quoi, de ce qu'on pourrait appeler un relationnisme. C'est ça? La phrase de Deleuze est admirable. Il n'y a pas de... C'est la relation de la vérité. C'est la vérité des relations. Ouais. Le relativisme, c'est la vérité des relations. C'est une des admirables phrases de Deleuze. C'est tellement simple à comprendre. Le fait que la vérité scientifique puisse se déployer dans le monde à l'infini n'empêche pas que vous ayez besoin, dans la dixième de seconde après, que votre amoureuse vous dise, mais attends, ce que tu dis, t'as pas le ton, t'as pas le bon ton, tu mens. Et ça n'empêche pas non plus de dire la seconde d'après, en sortant du cinéma, ben non, ce film, il est raté, il ne tient pas dans sa vérité. Et ça n'empêche pas d'aller ensuite voir son avocat et dire, mais le contrat que vous m'avez fait pour l'émission, ben il marque pas, etc. C'est quand même pas compliqué de comprendre que nous sommes capables de plusieurs modes de vérité simultanément, ce qui n'a rien à voir avec le relativisme. Vous êtes capable en tout cas de faire plusieurs émissions en une semaine. Merci Bruno Latour. La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques dont on a parlé ce matin, on le trouve à La Découverte, ainsi que par exemple Petite leçon de sociologie des sciences. On se quitte, on reste dans le labo, on a commencé l'émission dans le labo, on se quitte avec le labo, c'est Mr. High Project. Hey, comment va? Bien, rentre. Je t'en prie. Ah, MHP, LSDB. J'ai enfilé ma blouse et mes gants, cherchant le groove élégant, testant tous les éléments évidents, demandant à tous les éminents. Recherche terminée, vraiment autopsie. Le dosage est bon, le collage est long, je suis prêt pour l'autopsie. Appelle-moi le druide. Toujours à la recherche de plantes magiques, sans fait t'avise pas. La canter à côté du lab, raconter mes comptes à ma place. Hey, je sens que mon corps est humide. Hey, un mélange, journée, corps et fluide. Bienvenue dans mon lab. Bienvenue. Dans mon lab. I'm a freaky monster. Tu sais que je suis déterminé. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le pourquoi du comment, la chronique philosophique quotidienne de Frédéric Worms. Comment la tyrannie abuse-t-elle de la peur? Chacun sent qu'il y a un lien profond, mais un peu mystérieux malgré tout, entre les abus du pouvoir politique qui définissent la tyrannie et le rapport à la peur et parfois même à la terreur dont le pouvoir politique semble être capable de faire non seulement le meilleur, mais le pire justement des usages. Mais quel est le fondement, quelle est l'explication de ce lien entre la tyrannie et la peur? Il faut le loger dans un lien plus profond et plus fondamental et au fond légitime entre le pouvoir politique en général et les peurs des êtres humains. La fonction du pouvoir politique est en effet, dans un premier temps, de protéger une société contre les dangers qui la menacent. Et, d'une certaine façon, le rôle du pouvoir politique, c'est de répondre aux peurs objectives, légitimes des êtres humains, aux peurs d'ailleurs de deux ordres, les peurs des dangers extérieurs à la société elle-même, la peur, par exemple, d'un virus, la peur d'une agression, la peur d'une catastrophe, mais aussi aux dangers internes aux êtres humains, entre eux, dans une société, la peur des agressions, la peur de la violence, la peur de ce qui nous oppose les uns aux autres, la peur des conflits, la peur de la guerre. Et ainsi, la peur peut paradoxalement être aussi un facteur de progrès quand elle est transformée en réponse sociale, scientifique, politique, entre les êtres humains et qu'aucun abus n'en est fait en quelque sorte de l'intérieur. Mais alors, où commence la tyrannie? C'est très simple et finalement, la définition classique de la tyrannie comme un abus, comme un acte qui sort de son ordre, disait Blaise Pascal dans Les Pensées, peut-être le plus profond penseur de la tyrannie qui soit. Le tyran, c'est celui qui excède son pouvoir, en quelque sorte, qui sort de ses limites. Eh bien, le tyran, c'est celui qui abuse de la peur. Et qui abuse de la peur de deux façons. D'abord, le tyran va toujours être celui qui fonde son pouvoir sur une exagération de la menace, sur une exagération en tout cas d'une menace. Sans doute d'abord la menace objective plutôt que la menace interne de guerre civile. En effet, le tyran va toujours abuser de cette menace extérieure pour contraindre à la menace intérieure, procurer aussi ce danger intérieur. Mais surtout, le tyran, c'est celui qui, non seulement nous protège de la peur, mais qui crée une autre peur. Le tyran, c'est celui qui nous fait peur. Il ajoute la peur du politique à la peur contre laquelle le politique est censé nous protéger. Ainsi, le tyran est celui, par définition, qui fonde son pouvoir deux fois, non pas sur la peur en général, car tout pouvoir politique doit avoir un rapport à la peur. Le tyran est celui qui fonde son pouvoir sur une exagération de la peur, qui retourne la peur contre elle-même, qui fait que les citoyens ont plus peur de celui qui devrait nous protéger que de ceux dont il devrait nous protéger. Le tyran, la tyrannie, a donc un rapport intrinsèque à la peur. C'est d'une certaine façon l'abus de la peur, comme on parle de l'abus de pouvoir. Et au fond, le tyran nous montre bien que nous devons inverser la priorité de nos peurs. Nous devons peut-être avoir peur d'abord des relations entre les humains, d'abord du politique, avant d'avoir peur du monde, car c'est à condition de ne pas avoir peur entre nous que nous pourrons affronter les dangers de la vie. Merci beaucoup Frédéric Vance. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier, en compagnie de Manon de la Selle, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Dalia, à la lecture des textes, François Raison. On se retrouve demain pour la suite de notre série en compagnie de Bruno Latour. Vous revenez demain, Bruno Latour, pour cette fois parler d'universel. On se demandera si c'est la fin de l'universel, entre autres questions, puis on reviendra sur les points évoqués aujourd'hui que nous n'avons pas assez développés. À demain donc. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou bien la téléchargeant, la podcastant sur n'importe quelle plateforme, notamment l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct et en différé. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.